بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى كتاب وسلم. وسنة فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. طهمنير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت. قال الإمام المفسر ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره، أي في تفسير الآية، أي أينما كنتم يدرككم الموت فكونوا في طاعة الله وحيث أمركم الله. فإخواني، هذه المسألة تذكير الموت من أهم ما يكون، فالمؤمن كلما تذكر الموت إن شاء الله تعالى اجتهد في الطاعات وابتعد من السيئات. فسو rappeler de la mort c'est مهم. فلهذا الله سبحانه وتعالى nous informe dans ce verset: كل نفس ذائقة الموت. C'est une étape par laquelle on va tous passer. ثم إلينا ترجعون. إشارة أنك Abdullah, tu retourneras et tu rendras des comptes il Allah subhanahu wa ta'ala, et tu passeras par cette étape al maut. قال ابن كثير: فكونوا في طاعة الله وحيث أمركم الله. لأن الإنسان لا يدري، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فلهذا ابن كثير رحمة الله عليه إنكم سيكونوا في طاعة الله وحيث أمركم الله، لأن هذا الموت يأتي على غفلة، فكن في طاعة الله وحيث أمرك الله. التوحيد والسنة الواجبات، on fait des efforts في المستحبات، حتى إذا جاء الموت، إذا جاء ملك الموت فإن شاء الله تعالى طاعة لله رب العالمين. قال ابن كثير: فهو خير لكم. Si tu veux le خير أخي الكريم، n'oublie jamais cette étape. كل نفس ذائقة الموت. N'oublie jamais que tu auras des comptes à rendre. ثم إلينا ترجعون. قال ابن كثير رحمة الله عليه: قال فإن الموت لا بد منه ولا محيد عنه. Cette étape, tout le monde y passera. Enfin, normalement, ça doit impliquer que tu te prépares. Tu te prépares, li anna, c'est un mouqif azim. la mort, toutes les étapes qui viennent après, al-qabr wa al-mawqif yawm al-qiyam, thumma al-jannah aw al-nar. Tout ça, ça demande une préparation, akhil karim. Wa'ad ashab ad-dunya, ils ont un rendez-vous, une échéance, quelque chose fi ad-dunya, tu les trouves, ils se préparent jiddan. Ma'a anna al-amr, c'est un amr yassir. Yassir jiddan. فما بالك بهذا الموقف العظيم ما بالك tu auras des comptes à rendre على كل كبيرة وصغيرة قال رحمة الله عليه ثم إلى الله المرجع والمآب. Et ça c'est important pour le مؤمن جدا أنه إلى un objectif أنه هذه الدار دار الدنيا qui se terminera avec le موت ثم tu commenceras une nouvelle étape. Anna, c'est une étape faqat. C'est pas dar qarar, c'est dunya. Faqala ibn Kathir, faman kana muti'an lah, jazahu afdal al-jaza, wa wafah atam al-thawab. Celui qui meurt et il est à la ta'atillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Yujazih afdal al-jaza. Falna'mal. On doit tous faire des efforts pour هذا اليوم. Aïe, ces étapes qui viennent après la mort. فتذكير الموت أيها الإخوة فيه خير وفوائد عظيمة للمؤمن. تذكير الموت, on se rappelle خاصة في هذه الأيام, أيام الفتن. Et le temps, il passe très vite. Et les gens, ils sont occupés par cette dunya. تذكير الموت في هذا الحال, il va te rappeler. Amma al-ghafla an al-maut fa c'est un sabab azim li qaswat al-qulub. Oublier ou volontairement rejeter min ashad, parmi les choses les plus dures pour le kafara wa man ta'athara bihim, c'est se rappeler de la mort. Yakrahun dhalik limadha. Ils savent très bien qu'il y a des étapes après la mort et ils ne sont pas prêts. Ils essayent de se rassurer. Si tu parles à un de Haoula, de la mort, la peur de perdre cette dunya et la peur de franchir une étape et d'aller vers une étape inconnue pour lui. Il ne fait pas d'efforts. لأنه إلى با موفق من الله سبحانه وتعالى. فالغفلة الغفلة عن الموت وعن دار الآخرة c'est très très dangereux pour toi أيها المؤمن. فلهذا on a décidé de traiter ce sujet اليوم الموت pour se rappeler et rappeler à nos frères هذا الموقف العظيم. Et tu y passeras, on est tous d'accord. On y passera tous. La ahad y restera. Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Fa tadhkir, se rappeler de la mort, c'est muhim et y a des fawaid azima. Fa li hadha nabiyuna al-karim sallallahu alayhi wa sallam kama rawa Abu Hurayra radiyallahu anhu وجاء كذلك عن غيره أنه قال عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكر هذه من اللذات يعني الموت. Rappelez-vous de هذه من اللذات. Ça va couper cette étape, la mort. هذه من اللذات. Et نعم, l'insan il va basculer dans une autre étape. Il va quitter ses proches, il va quitter son mal, il va quitter ce confort dans lequel il était fait dunya pour une autre étape. Et cette autre étape, al-mizan, ça ne sera plus l'argent, comme c'est fait dunya pour certaines personnes. Al-mizan, ça ne sera plus al-jah, t'es connu, ou t'as des connaissances, ou tu peux mentir, tu peux faire certaines choses, ba'd-an-nas wal-iyadu billah, pour s'élever. L'étape suivante, c'est al-a'mal. C'est al-a'mal, et tu rendras des comptes si les a'mal ils sont bons. Fa, Inch'Allah, l'insan, il est à la khayr. Et si c'est le contraire, il est à la char. On doit faire des efforts avant de passer à l'autre étape. Dar al-jaza. Aïe al-barzakh et yawm al-qiyama wa ma ba'da. Qala al-imam al-taymi rahimahullah. Shay'an qata'a anni la zadati dunya. Deux choses. Il cite rahmatullah alayhi. Annahu ça lui a coupé l'envie de cette dunya. Deux choses. Il a plus envie. Annahu il a compris ces deux choses. Qala dhikr al-maut. Il se rappelle de la mort. Il se rappelle de la mort. Et il se rappelle du mawqif. Enfin, il n'a plus envie de ces délices de dunya. Ces choses futiles. Très certain si ça fait du mal à ton dîn. Même si c'est halal et ça ne fait pas du mal à ton dîn. Tant que c'est moubah et ça ne contredit pas le dîn. Alhamdulillah, il n'y a aucun mal. Lakin hadhihi al-umur. Ces shahawat. En général, ça pousse l'insan ila al-ma'asi. Kalla, inna al-insan al-yata al-ra'ahu stagna. Khasatan al-mal. Ça pousse à un inhiraf et un dhalal kabir jiddan. Shay'an qata'a anni la zadati al-dunya dhikr al-maut wa dhikr al-mawqif bayna yadayillah ayyawm al-qiyamah. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم وأنذرهم يوم الحسرة تأمل وأنذرهم يوم الحسرة أي يا محمد فخطاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنذرهم أي غابل يوم الحسرة أي le jour des regrets. ففي attention أخي الكريم, on doit tous faire attention, on ne fasse pas partie de ceux qui ont des regrets. Il a délaissé الصلاة, il regrette. Il a fait du shirk والعياذ بالله, il regrette. Il faisait des ma'asi, min shurb al-khamr, wal-mukhaddirat, wal-ghayba, wal-namima. Il regrette. Wa anzirhum yawm al-hasrati idqudi al-amr, wa hum fi ghaflatin, wa hum la yu'minun. Idqudi al-amr, ay c'est fini. C'est fini, il a déjà al-maut, il n'y a plus de tawbah. L'insan, il sera jugé par rapport à ce qu'il a fait. Qudi al-amr. Qala idqudi al-amr, wa hum fi ghaflatin, wa hum la yu'minun. C'est quoi la chose qu'a poussé هذا الانسان à avoir des regrets et il n'est pas prêt pour cette étape. أنه il est في غفلة وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. الغفلة والعياذ بالله على poussé هؤلاء au كفر. قال جل وعلا إنا نحن نرث الأرض ومن علينا ومن عليها إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. تنبيه مهم. أي تغوفيندرا الله سبحانه وتعالى. فلا تغتر بمالك, لا تغتر بكثرة قوتك أو صحتك, لا تغتر بهذه الأمور. كلكم من آدم وآدم من تراب. Tu finiras sous terre comme tout le monde. Tu auras des comptes à rendre comme tout le monde. Fais des efforts pour هذا اليوم. Hadalium, tu ne seras pas jugé. Est-ce que tu es grand, tu es petit, tu es fort? Abedan, tu seras jugé sur tes amal. Tu ne seras pas jugé sur ta couleur de peau. Abedan, tu seras jugé sur ta aqid. Est-ce que tu as suivi le Rasoul? Amla. Fa akhil karim, waffaqani Allah wa iyyak li kulli khayr. La taghtar bi hadhihi ad-dunya. Fa innaka mayitun. Kama qala azza wa jal, innaka mayitun wa innahum mayitun. La taghtar, la taghtar, tu quitteras tous ces amouals, tu les quitteras. Travaille pour ma yabqa indallah azza wa jal, dar al-akhir al-jannah, des choses qui sont éternelles. Ou la taghtar, des choses futiles, tu possèdes aujourd'hui, demain t'auras plus. Belle ce que tu possèdes, si tu meurs, ça basculera vers un autre. Et ça sera plus à toi. Kadhalik, pense à ce jour où tu quitteras al-ahbab. Et tu te retrouveras seul. Fi tilka al-hufra. Tu seras tout seul. Et ce qui te sera utile, ba'd rahmatillahi azza wa jal, c'est ces a'mal que tu as fait fi dunya. Cette aqida sahiha que tu as appris. Ce ilm que tu faisais des efforts à assister au cours et à appliquer. Tout ça, tu le retrouveras bi idnillahi jalla wa ala. Qala subhanahu wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra. Voilà, on reviendra tous à Allah subhanahu wa ta'ala. Furada, ça vient min al-fard. Et tout seul. Kama khalaqnakum awwala marra. Yawm al-qiyama, tu seras ressuscité nu. Tu n'auras pas de vêtements. Comme le jour, où t'es, le jour de ta naissance. Tu es sorti du ventre de ta mère nu. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra. Ta famille, elle te sera d'aucune utilité. Tes proches, d'aucune utilité. Ton argent, d'aucune utilité. S'il n'a pas été, gaspillé fi ta'atillah. Qala azza wa jal, wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'avait rizq fi dunya, tu le laisseras derrière toi. Tu le laisseras. On n'a jamais vu quelqu'un qui meurt et qui prend avec lui ses biens. Abadan. Il se retrouve tout seul fi al-hafra. وقال جل وعلا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ألهاكم التكاثر أي انشغال بالدنيا التكاثر c'est vouloir toujours plus et cette intention et cette volonté de vouloir toujours plus ça montre que cette personne elle est في غفلة عن الموت لأن الموفق العبد الصالح ce qu'il l'a Ce qui lui suffit le peu, il s'en sert pour adorer Allah Azza wa Jal et être prêt pour هذا اليوم. Pour être prêt quand Malak al-Maut vient et il prend son âme. Quand il sera questionné fil qabr. Amma al-takathur, en vouloir toujours plus et oublier l'essentiel, هذا, ça fera du mal jiddan à cette personne. Al-haakum al-takathur hatta zurtum al-maqabir. Wa fi sahih muslim. عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر عبد الله بن الشخير رضي الله عنه il est venu voir le prophète عليه الصلاة والسلام et le prophète صلى الله عليه وسلم il récitait ألهاكم التكاثر أي vous êtes distrait vous êtes préoccupé toujours En vouloir plus. قال صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم يقول ابن آدم مالي مالي هذا حال كثير من أبناء آدم كثير منهم مالي مالي une préoccupation pour les biens de ce bas monde et غفلة عن الموت تأمل certaines personnes الآن كيف فتنوا في ce qu'ils appellent le sport ces journées entières c'est pour soi-disant son corps ce corps qui va finir sous terre kullukum min adam wa adam min turab il fait des efforts jiddan pour son corps et il oublie son cœur il oublie al-maut tu seras jamais jugé est-ce que t'es maigre est-ce que t'es gros est-ce que t'es grand abadan tu seras jugé sur tes a'mal fahaula al-an ils sont fi ghafla al-hakum al-takathur ta'ammal ba'd an-nas kayf shughilu bi sabab al-amal Toute sa vie, elle est sur le amal. Et à cause de ce amal, Rabbama, il délaisse des obligations. Tu te poses la question, jusqu'à quand ? Al-haakum al-takathur, hatta zurtum al-maqabir. عند Allah, ça ne sera pas une hujja pour lui. Fa-iyyakum wa iyyana jami'an al-ghafla. قال عليه الصلاة والسلام يقول ابن آدم مالي مالي قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت إلا ما أكلت فأفنيت هذا المال الآن que tu possèdes qu'est-ce que tu en bénéficies إلا ce que tu manges أكلت قال عليه الصلاة والسلام أو لبست فأبليت les vêtements que tu mets t'en profites jusqu'à ce que tu les uses قال عليه الصلاة والسلام أو تصدقت فأمضيت أو للصدقة que tu fais في سبيل الله et الصدقة ça englobe tout l'argent que tu dépenses في سبيل الله فهذا tu le retrouveras عند الله عز وجل أما الباقي ça te sera d'aucune utilité بل comme on a cité tes héritiers ils en profiteront à ta place et والله أعلم comment ils vont s'en servir de ce mal هذا تتعجب بعض الناس ونسأل الله سبحانه وتعالى السلام والعافية le temps qui prend et qui gaspille pour sa voiture مثلا ليل نهار كأنه il va la prendre معه La voiture, c'est un moyen de locomotion, ya akhi. Tu t'en sers pour te déplacer, faqat. Et à tout moment, cette voiture, elle peut disparaître. Et anta, à tout moment, tu auras des comptes à rendre. Okay, cette chose futile, elle te prend ton temps, akhi al-karim. وعلى كل حال نجتهد فلنجتهد جميعا فيما ينفعنا بعد الموت قبل الندم والحسرة. Il faut qu'on fasse des efforts, ya ikhwan, et on se conseille avant qu'il soit trop tard, avant le mort. قال صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد. Trois choses elles te suivront, akhi al-karim. قال يتبعه أهله وماله وعمله. Ces trois choses elles te suivront quand tu seras enterré. أهله, ses proches. ماله, ses biens. وعمله, ses œuvres. قال عليه الصلاة والسلام فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. Tes proches, ils ne pourront plus rien pour toi. Même si t'aimes, s'ils pourraient t'aider, là, quand t'es enterré et que t'es recouvert de ce Torah, tu te retrouves tout seul et ton mal et ta famille y reviennent. Amma amaluk, tawhiduk, ton suivi des salaf salih, ton amour pour la sunna, aqidatuk al-wala wal-bara, aqidatuk al-salafiyya bil-asma wa sifat wa fi ghayriha, tout ça, salatuk, le hajj que t'as fait, al-umra que t'as fait, al-siyam que t'as fait, tout ça, mukhlisan lillah, en espérant la récompense, tu le retrouveras fi qabrik. Comme fi hadith al-bara ibn azib, radiyallahu anhu, annahu al-mu'min, quand il est dans son qabr, rajulun bi wajhin jamil, une personne avec un beau visage, elle lui tient la compagnie fi qabri, hatta al-mu'min, il demande à cette personne, t'es qui? Et cette personne, elle répond, ana amaluk. Hada al-amal yanfa'uk. Hadi sunna al-an. T'es éprouvé. Rubbama t'es rejeté. Issubir akhi al-karim. Al-aqibatu lil-muttaqin. Qala al-shaykh al-allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahmatullah alayhi fi sharh al-mumti'. Qala wa yanbaghi lil-insan an yatadhakkar halahu wa nihayatah. Hada al-abd al-muwaffaq. Il a des objectifs, il n'est pas firafla. Yatadhakkar hala. Daiman, il se remet en question. Il se remet en question, il réfléchit à son hal. Qu'est-ce que j'ai fait pour hadad din? Est-ce que je suis à la ta'atillah? Est-ce que je suis à la ma'asiyah? Est-ce que je fais des efforts dans l'ilm? Yatadhakkar hala. Léanahu, il sait qu'il aura des comptes à rendre. Et il sait que c'est un abdulillah. Il ne fait pas ce qu'il veut, abadan. Faqala yatadhakkar halahu. كذلك إقصى النهاية. On est tous d'accord. كما قال عز وجل كل نفس ذائقة الموت. On est tous d'accord. Il se remet en question. Ce mot, il va arriver aujourd'hui, demain, après-demain. Il arrivera. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je suis prêt? C'est ça les questions qu'il faut se poser. أيها الإخوان. قال ونهايته في هذه الدنيا وليست هذه النهاية نهاية بل وراءها غاية أعظم منها. هذه النهاية cette fin. فالحقيقة c'est pas la vraie fin. أبدا. الحقيقة c'est le début. C'est la fin de cette étape de quelques années. Et c'est le début d'un long chemin. يوم القيامة. فقط. Ce jour. Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité dans le Coran annahu bi 50000 sana, 50000 ans, yawm al-qiyamah faqat. Amma al-janna an-nar, c'est l'éternité. Illa al-usa min al-muslimin qui rentrent fin nar, aqidat al-sunna annahum sortiront, wa illa après que le mu'minun qui sont rentrés fin nar bi sabab al-ma'asi sortiront, ça sera l'éternité. Fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir. Fala taghtar akhi al-karim من هذا الفكر الخبيث كمنتشر جدا أنه بعد الموت سفيني عقيدة الكفرة أنهم pour se rassurer et ils savent très bien que c'est pas le haq. فلهذا quand tu leur parles de la mort ils sont gênés جدا et pour se rassurer et quand ils enterrent un de leurs morts ils essayent de se rassurer أنه il est au ciel أنه si c'est un kafir il est في النار ويعذب ليل نهار. Tu sais très bien que quand tu seras enterré, ça commence. Deux anges y descendent. Et ça commence. Lauqilalak, si on te dit demain, tu vas passer au tribunal, et si t'as pas appris telle chose, ou tu connais pas telle chose, tu risques tant d'années de prison. Faroubama la tanam. Faroubama, tu dormiras pas la nuit. Et tu feras des efforts jiddan pour être prêt le jour de ce tribunal. Hakada al-insan. Al-an, on sait qu'on mourra tous. On sait qu'on sera interrogé. On est des musulmans, walillah alhamd, et on a cette aqida. On doit faire des efforts. Mais on croit à ça. Ce qui fait du mal, c'est le rafla. Ce qui fait du mal, c'est al-inhimak fi dunya. Ce qui fait du mal, c'est julasa su, mauvaise compagnie. C'est ça qui te fait du mal, akhi al-karim. Fa tadhkir al-maut yanfa'uka jiddan, Abdullah. Tout ce kalam qu'on cite là et on se motive, c'est utile tant qu'on est vivant. Amma idha jaa al-ajal, yaqulu Allah azza wa jal, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum al-maut, fayaqulu rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib, fa as-saddaqa wa akum min as-salihin. Wa anfiqu مما رزقناكم الأعمال الصالحة الصدقة طول أعمال الصالحة من قبل أن يأتي أحدكم الموت fais des efforts أخي الكريم ce jour il viendra pour toi, pour moi, pour tous c'est une histoire d'heures, de jours, d'années قال عز وجل فيقول ربي لولا أخرتني les regrets هذا الميت الآن demande à الله عز وجل لولا أخرتني Hey, il pourrait revenir, pourquoi? Pose-toi la question, Anta. Est-ce que c'est pour jouer? Est-ce que c'est pour refaire de l'argent? Est-ce que c'est pour avoir des connaissances? Il a akhiri abdan. Qala fa as-sadaqa wa akun min as-salihin. Son but, c'est ça. Sadaqa. Amal salih. Devenir min ahli sunna as-salihin. Ces gens, roubama, qui se moquaient. Rubama qui détestait, Rubama qui combattait, Al-an yatamanna, il revient, et il soit min ha'oula al-salihin. Fahmadillah ala ni'mati l'islam. Ihmadillah ala ni'mati sunna. Qala azza wa jal, walan yu'akhir allahu nafsan, idha jaa ajaluha, wallahu khabirun bima ta'amalu. Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam, c'est le khabir. Ya'lam azza wa jal, assir wa akhfa. فلهذا قال ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها dès que l'âge vient الموت tu peux pas retarder ابدا لكن نحن نستفيد من هذا في الحقيقه هذا الكلام لا aucune فائده pour الاموات لانهم ils sont morts s'ils ont قدم du خير فهم sont على خير s'ils ont قدم du شر ils sont على الشر ils peuvent plus revenir لكن نحن نستفيد جدا لاننا on est encore vivant Et on sait que si on meurt, on ne pourra pas revenir. Vu qu'on est vivant, on fait des efforts. Nous, alhamdoulilah, on est encore à la khayr et on peut faire du khayr. Et Allah subhanahu wa ta'ala yaqbal at-tawbah. Et celui qui fait des efforts pour apprendre Allah subhanahu wa ta'ala, il le wafaq. Nous, mitl hadhihi al-aya, c'est mufid jiddan. Amma celui qui meurt à la shar, à la kufr, à la shirk, wa al-iyadu billah. فيا لها من ندامة ومن خسارة أنه يبغى revenir il peut plus وتأمل الآن c'est pas une histoire de quelques années là الآن c'est الخلد si c'est un كافر فيعذب في قبره يوم القيامة il est jugé et il est في النار pour l'éternité والله المستعان قال عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون هكذا حال الأموات. Ils veulent revenir. قال عز وجل لعلي أعمل صالحا. هكذا يقول هذا الميت. Pourquoi il veut revenir? لعلي أعمل صالحا فيما تركت. Les regrets. Tout ce qu'il a délaissé الآن, son espoir c'est de revenir pour appliquer, pour suivre le sunna, pour délaisser l'afkar الهدامة. لأن الآن il sait أن Il sait le haq, il a vu. Il a vu Malak al-Maut, il a vu al-Qabr, il a vu toutes les choses qu'il ne voyait pas. Lakin, fi hadha al-hal, il ma la yanfa'. Li anna umur al-ghayb, l'an, il les vit et il est mort. قال عز وجل لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها. الله عز وجل هو الخبير. Allah il sait que même s'il retournerait hada shakhs fi dunya, c'est qu'une simple parole. Il retomberait fil rafla et il referait ces choses. Falihada qala azza wa jalla kalla, il n'y a pas de retour. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawm yub'athun. Barzakh ay al-qabr. Il est dans cette demeure al-qabr jusqu'à ce qu'il soit ressuscité. وَأَبَدًا يَرْضِعَ أَبَدًا بَلْ يَوْمُ الْقِيَامَ الْحِسَابِ لِشَدِيدٍ شغل الكفار. قال الشيخ سعدي رحمة الله عليه يخبر تعالى أي تفسير هذه الآية يخبر تعالى عن حال من حضره الموت من المفرطين الظالمين. المفرط celui qui fait pas d'effort, celui qui se laisse aller, celui دائما يغبوسse. احذر من هذا. Toujours repousser. Je ferai demain, je ferai demain plus tard. نعود بالله بعضهم حتى الصلاة. Tu le conseilles في الصلاة. ركن من أركان الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تركها فقد كفر. Et il repousse. من قال لك que tu auras le temps. Qui c'est qui t'a dit que tu pourras la faire. احذر. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون. Pour faire cette salade qu'il n'a pas fait, pour faire ce hajj qu'il n'a pas fait, pour sortir cette zakat qui ne sortait pas. Là qu'il n'a rien fait. قال الشيخ سعدي رحمه الله عليه قال من المفرطين الظالمين أنه يندم في تلك الحال إذ رأى مآله. الآن il a vu sa demeure. الآن il commence à comprendre ce qu'il attend. الآن il espère revenir. Là qu'il c'est trop tard. قال والشاهد قبح أعماله. نعم الآن يفوى الجزاء de son عمل son كفر ses bidats son combat contre l'islam الخمر الربا الخمر الربا et toutes ses معاصي. الآن il le voit. قال رحمة الله عليه فيطلب الرجع إلى الدنيا لا للتمتع. Il espère pas revenir à la dunya pour التمتع أبدا. قال وإنما ذلك ليقول لعلي أعمل صالحا فيما تركت. والعمل الصالح كما تعلمون العمل الخالص لله جل وعلا الموافق لسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الشخص الآن il espère revenir et être موحد et un sunni. فأحمد الله على النعمة. Fais des efforts. والله تفي نعمة لا يعلمها إلا الله عز وجل. كم من الأموات يسبر أتقمت أخي الكريم. ففي ذلك اجتهد ولا تغتر بالكفار بأعداء الإسلام وبأعداء السنة. لا تغتر. تي على خير. طنك تي على التوحيد تي على السنة. في ذلك في العلم. اي باسيونت. باسيونت. لأن توسي تترمين غسوتير. إن شاء الله سي تباسيونتي تي على خير. فهذا هو الفوز العظيم. قال الشيخ سعدي رحمة الله عليه قال وقال لعلي أعمل صالحا فيما تركت من العمل وفرطت في جنب الله. قال عز وجل كلا. قال الشيخ سعدي أي لا رجعة ولا إمهال. بعد غتوغ تفني في هذا الحال. قال قد قضى الله أنهم إليها لا يرجعون. فلا تنسى عبد الله أن العمر إلي قصير. نبلي جامعها سباس تخفيد. كم من الناس on était avec eux, on les connaissait, ماتوا. كم دائما تنطن فلان إلي مور. Un jour ça sera toi. Combien de جنازة on assiste. Un jour ça sera toi أخي الكريم. Tu laves des morts, demain ça sera toi qui sera la vie. Prépare toi ولا تنسى دائما تذكر الموت. ولا تغتر بزخارف الدنيا. C'est des choses éphémères, futiles, qui passeront et qui restent pas. فينبغي لنا جميعا أن نعد العدة بالأعمال الصالحة. هذا c'est المستقبل الصحيح. للأسف كثير من الناس يبان souvent de l'avenir. L'avenir. L'avenir c'est le mot et tu rendras des comptes. لا محالة. فلا تغتر بهؤلاء. Ils veulent t'occuper بالدنيا. Ils veulent t'occuper بما لا ينفع. Ils veulent que tu sois comme eux. Wallahi, quand tu parles avec eux de l'maut et tu les conseilles, ils savent très bien que tu es différent, tu n'as pas la même vision que lui. Enfin, ça le gêne. Enfin, il veut que tu sois comme lui. Hatta tu ne le conseilles plus, tu ne le parles plus de cette chose qui le dérange tant. Fahadar, ittaqillah. Ittaqillah fi nafsik, et fais attention le mukhalata. Si tu côtoies des gens qui se rappellent souvent de la mort et qui travaillent, ya'maloun, pour ces étapes après la mort, al-qabr wa ma ba'da, inshallah, tu seras comme lui. قال عيسى عليه السلام المرء على دين خليله اما si tu fréquentes هؤلاء الضياع اصحاب الدنيا si tu les fréquentes tu vas parler que de sport, que de voiture. Foulan il a dit, Foulan il a fait, il faut qu'on fasse, est-ce que tu as un projet? Et un jour malak le maut vient, qu'est-ce que tu as préparé? Ça te sera d'aucune utilité les projets. Abadan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ هذا الحق. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. قال عز وجل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. Cette mort qui dérange tant, بعض الناس il pourrait donner père, mère, enfant pour échapper à هذا الموت. Il pourrait donner tous ses biens. قال عز وجل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم يقينيا aucun doute فإنه ملاقيكم كلام رب العالمين قال فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Tu reviendras à الله عز وجل et il t'informera de ce que t'as fait. Tout est écrit. Tout est moussajjal. Imma c'est pour toi, imma c'est contre toi. Wa ta'ammal ma'i, akhi al-karim, hadha al-hadith alladhi dhakara fihi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hal al-mu'min wa hal al-kafir 'inda al-maut. Tadhakkar hadha. Tadhakkar ces étapes. Imma wa nas'allah subhanahu wa ta'ala al-thabat wa al-tawfiq, imma on sera min al-mu'mini. Imma ou l'ayadu billah, ça sera l'autre, al-hal al-kuffar. Fata'ammal, hal ha'oula. Hal ha'oula, et anta, tu seras forcément un des deux cas. Ta'ammal. Qala alayhi salatu wassalam. Kama fi hadith al-bara' ibn Azib, al-mashhur, al-hadith al-tawil. Nahnu nakhtasir. Qala inna al-abda. المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليهم ملائكة من السماء. Quand l'heure d'une personne, Allah subhanahu wa ta'ala il a décrété un fulan, il va mourir الآن, الملائكة, بعض الملائكة تنزل من السماء. قال بيض الوجوه. Ça c'est pour le mu'min. Ces ملائكة, ils ont le visage blanc. قال كأن وجوههم الشمس. Leur visage c'est comme le soleil, rayonnant. قال معهم كفن من أكفان الجنة. Ils ont un linceul parmi les linceuls de الجنة pour accueillir ce mu'min. قال وحنوط من حنوط الجنة. أي طيب, du parfum. قال حتى يجلس منهم مد البصر ثم يجيء ملك الموت. فالملائكة الآن ils sont prêts à accueillir ce mu'min et ils attendent. الآن ملك الموت vient. قال ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة. ملك الموت s'assoit عند رأس هذا الميت et il parle avec son nafs. أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. الآن الروح السوخ. Ce mu'min meurt. Il meurt إلى أحسن, إلى أفضل. Il est accueilli par Ha'oula al-Malaika. Ha'oula al-Malaika al-Tayyibin. Bidh al-Wujuh. Qala fatakhruj. Tassilu kama tassilu al-Qatratu min fi al-Siqa. Naam. Comme une goutte d'eau qui sort. Comme une goutte d'eau qui coule. Hadha al-Ruh, Ruh al-Mu'min, il sort bi suhoula. Qala faya'khuduha. Ay malak al-Mut. Il prend l'âme de ce mu'min. قال فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين. Un clin d'œil, elle ne reste pas dans les mains de Malak al-Maut. Al-Malaïka qui sont présents avec lui, ils reprennent l'arme. قَالَ لَمْ يَدْعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنِ حَتَّى يَأْخُدُوهَا فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنُ وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ فَالسُّ مُؤْمِنِ الْآنِ il est enveloppé dans ce linceul avec ce parfum. قَالَ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبْ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ بشرى pour ce mu'min. Tous les efforts qu'il a fait l'an, tout ce ta'ab, cette patience à la sunnah, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القابض على دينه كالقابض على الجمر. Tous ces sacrifices qu'il a fait l'an, l'an il commence à se reposer. L'an il est accueilli par هؤلاء. قال ويخرج منها تقدم قال فيصعدون به فلا يمرون يعني به على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب. Ce mu'min l'an qui se faisait insulter, qui se faisait critiquer, il était opprimé, ظلمو, شتمو, ربما expulsé, ربما الآن ملائكة الله في السماء. Il demande ما هذا الروح الطيب. لأنه odeur طيبة avec ملائكة وجود بيض avec ce linceul, il demande c'est qui هذا الطيب. فيقولون فلان ابن فلان الرفعة من الله. الرفعة من الله, الله سبحانه وتعالى الآن il a élevé, il élève ce عبد. قال بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونها به يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم قال فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة قال فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين قال وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم أخرجهم تارة أخرى هكذا المؤمن إيه إلي في قبره إيه إلي في نعيم جسك يوم القيامة إيه إن شاء الله أبخي يوم القيامة يغنب في الجنة. On ne détaillera pas ma yata'allak bil qabr. Inch'Allah, on essaiera de faire une kalima prochainement, la suite de cette kalima, et on détaillera tout ce qui est rapport avec le qabr. Bi'idnillahi jalla wa'ala. Amma l'abd al-kafir. Qala alayhi salatu salam. Wa inna l'abd al-kafir. Iza kana fin qita' min al-dunya wa iqbalin min al-akhira. Nazala ilayhi min al-sama malaikatun soudul wujuh. Soudul wujuh. Tout le shirk qu'il a fait, tout le mal qui s'est fait à lui-même et qu'il a fait aux autres, al-an il est accueilli par ha'oula al-malaïka, sous de l'oujou, des visages noirs. Qala ma'ahum al-musuh. Al-mu'min, c'était un linceul avec du parfum. Huwa al-musuh. Ay, c'est un thiyab khashin, un vêtement khashin. Qala fayajlisuna minhu madd al-basar. Thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa inda ra'si fayaqul ayyatuha al-nafsul khabitha. Il a accueilli avec هذا الكلام ايتها النفس الخبيثه لانه سان خبيث هي نفسه خبيثه. Il a combattu الرسول, il a combattu اولياء الله عز وجل. Il a pas unifié Allah dans l'adoration, il a pas suivi le prophète عليه الصلاه والسلام. C'est un خبيث. Et il est accueilli par هذا الكلام, avec هذا الكلام. قال ملك الموت فيقول ايتها النفس الخبيثه خروجي الى سخط من الله وغضب. Sakhat wa ghadab. Et là aussi, cette personne, elle était élevée fi dunya, il avait femme, enfant, amwal, il était respecté. Amma l'an, tout ça, ça lui est plus d'aucune utilité. Bel, c'était un istidraj min Allah. Annahu, il était fi ghafla à cause de ce mal, à cause de ses péchés. Fan harafa wa mat ala dhalal. Qala alayhi salatu salam. Qala fatufarraq fi jasadih. Fayantazi'uha kama yuntaza' as-safud min as-suf al-mabloul. As-suf, c'est la laine. La laine mouillée, et si tu mets une épine, chawka, et tu veux la retirer, t'as la sensation que ça fait. C'est très dur à retirer cette épine de هذا as-suf al-mabloul. Suf al-mabloul. Fahakada al-kafir. Cette âme qui est retirée par Malak al-Maut, c'est un adab. Et c'est que le début. Fahwa, il a sakhat wa ghadab comme akhbar an-nabi alayhi salatu wassalam. Qala fayas'aduna aw qala wa yakhruju minha ka antani rih jifatin wujidat ala wajhi al-ard. Adab min Allah hatta su nafs هذه النفس الخبيثة على إن ريحة كريهة جدا إن مغز دع. قال فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث إلى آخر. ثم أبواب السماء ثم يرجع إلى قبره ويعذب إلى يوم القيامة وعذاب الآخرة إلى أشد. فأخي الكريم تأمل هذا الموقف, تأمل هذا الحديث. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on a fait assez d'efforts? Est-ce qu'on a la garantie de mourir à l'islam ou l'iman? On n'a rien de tout ça. On fait des efforts. وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهِ إِلَيْهِ رَحِيمٌ. Allah il est karim. Si tu fais des efforts, tu mourras inshallah à la khair. Si tu veux le khair, inshallah t'atteindras le khair. Fais des efforts. Fais des efforts, akhi al-karim. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. La mort elle est plus proche de l'un de vous que شراك نعله. Ces sandales. Les sandales comme elles sont proches de toi. الموت il est أقرب. الموت il est أقرب. قال عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Aujourd'hui, demain, après demain. Ahamchay, c'est qu'on soit prêt. Ahamchay, c'est qu'on soit à l'asti'adad. Tous les jours. Et on ne se fait pas avoir par des choses éphémères. قال عز وجل وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور. جاءت سكرة الموت بالحق. أي هذا الموت يفيندرا بحق. لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك. قال عز وجل ذلك ما كنت منه تحيد. نعم أي il essayait de se sauver, de s'échapper. Ça viendra, ça viendra. قال عز وجل ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. نفخ في الصور يوم القيامة. قال وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. Chaque نفس elle se rendra et elle sera présente يوم القيامة. Et les malaïka y témoigneront. Ils ont tout enregistré. Tes membres y témoigneront. Et là, la yinfa al-kadib. La yinfa al-ma'rifa. J'ai des connaissances. La yinfa al-mal. Abadan. Al-haq. Falihada qala azza wa jal. Waja'at sakratul maut bil-haq. Qala jalla wa ala ba'd dhalik. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Fakashafna anka ghita'ak. Il était fi ghafla. Il avait un voile. Allah subhanahu wa ta'ala قال فكشفنا عنك غطاءك. Ce voile il est levé. الآن il voit tout. الآن il voit الملائكة. Il voit العذاب. الموقف. Il est présent. قال عز وجل فبصرك اليوم حديد. بصره مثل الحديد. مثل الحديد. À cause de la peur. À cause des regrets. لكن لا ينفع. فلا تغتر بالكفار. هذه نصيحة كون في للإخوان لا تغتر بالكفار وما عندهم من الأموال وحسن الحال في الظاهر dans cette dunya لا تغتر. Ils sont concernés par ces versets. Ils sont concernés par le hadith. S'ils meurent على هذا الحال. قال عز وجل ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. شتت العذاب. Est-ce qu'ils verront après le mort? ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. Il espérera s'il pourrait être musulman. Lakin la. L'islam c'est fi ad-dunya et tu meurs à l'islam et t'es jugé en tant que musulman. قال عز وجل ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. Laisse-les يأكلون أو يأكلوا ويتمتعوا. Ils mangent ويتمتعون. Ils se font plaisir avec beaucoup de choses. قال ويلهيهم الأمل. Ils espèrent. Ils croient qu'ils ne seront pas touchés. Ils croient qu'après la mort, كما يقولون, repose en paix. Ils sont à la hada. قال عز وجل ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. Ils seront, ils assisteront, ils verront l'adab. وقال عز وجل ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسط أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة ولو ترى ستفغ إذ الظالمون ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم comme on a cité les détails de ce verset dans le hadith. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Celui qui espère rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala à la khayr, et Allah subhanahu wa ta'ala yarhamu, et il le fait rentrer fil jannah, wa yartah fil jannah, et il profite, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا avant le maut, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, il meurt à la tawhid. أَمَّا الْمُشْرِكِ لِفِي النَّارِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ. فالإخلاص الإخلاص. العمل العمل العلم العلم. Tout ça, c'est fondé sur l'ilm, ya jama'a. On fait des efforts pour l'ilm, pour apprendre, pour appliquer, pour propager. Tout ça, بإذن الله عز وجل, ينفعك. قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه في كتابه النافع التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة. هذا سان كتاب عظيم جدا. كتاب il explique ces étapes, l'imam al-Qurtubi rahmatullah alayhi, at-tadhkira bi ahwal al-mawt wa umur al-akhirah. Ahwal al-mawt, il parle des morts, de la mort, wa umur al-akhirah, al-qabr jusqu'à al-jannah ou an-nar. C'est un kitab azim. Famitla hadhihi al-kutub al-inayah biha, al-inayah biha, lianna ça te rappelle. Il cite des ayats min al-Qur'an, rapport avec le sujet. Il cite des ahadith, il cite kalam al-salaf, كلام الأئمة. قال رحمة الله عليه فتفكر يا مغرور في الموت وسكرته وصعوبة كأسه ومرارته. فتذكر فتفكر يا مغرور. conseil de l'imam القرطبي رحمة الله عليه. rappelle-toi, n'oublie jamais le mort وسكرته. سكرات الموت qu'on a détaillé في حديث البراء. قال وصعوبة كأسه ومرارته. هي نعم سيني طبلي تري تري ديفيسيل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للموت سكرات. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وجد شدة عند الموت عليه الصلاة والسلام. On doit être prêt pour هذا. On doit être prêt et إن شاء الله ما بعد الموت خير ونعم pour المؤمن. قال وكفى بالموت مقرحا للقلوب ومبكيا للعيون ومفرقا للجماعات وهادما للذات وقاطعا للأمنيات. هذا الموت أنه يؤثر على القلب et ça pousse la personne à verser des larmes et il va quitter ses proches. وكذلك ça lui coupe tout espoir. أما celui qui meurt على خير il est على خير. قال فهل تفكرت يا ابن آدم في يوم مصرعك. Est-ce que tu t'es rappelé يا أخي الكريم de هذا اليوم يوم مصرعك. Comment tu vas faire. Est-ce que t'es prêt. Est-ce que t'as les réponses aux questions qui vont être posées. Est-ce que tu sais ce qui t'attend. Enfin, prépare-toi أخي الكريم. Comme on a dit, Anna, une petite chose في الدنيا بعض الناس أو ربما un diplôme qui sert pas à grand chose بل c'est des معاصي des مخالفات أو une chose مباحة. ربما il se prépare, il dort plus, ça, il est inquiété إلى آخره. ما بالك هذا الموقف. قال وانتقالك من موضعك وإذا نقلت من سعة إلى ضيق. قال وغطوك من بعد لين لحافك بتراب ومدر. نعم. Est-ce que tu t'es rappelé de tout ça? أنك tu finiras تحت الأرض et tu seras recouvert من هذا التراب. Si t'es à la khair, ça te fait aucun mal, bel, inshallah, t'es ila l'ahsan. Fana'im al-qabr, c'est une ni'ma azima pour le mu'min. Lakin, t'adhakkar si t'es pas prêt. T'adhakkar si t'as pas fait assez. T'adhakkar si tu fais encore des ma'asi. T'adhakkar. Qala faya jami'u l'mal. Wal mushtahid fil bunyan. Laysa laka wallah min malik illa l'akfan. Nasiha tayyiba. T'as une voiture. T'as une imara, t'as une maison. L'imam al-Qurtubi dit « Wallahi ma laka min malik illa l'akfan. » Tu seras enterré qu'avec un linceul. Tout le reste, tu le laisseras. Tout le reste. قال بل هي والله للخراب والذهاب وجسمك للتراب والمآب. Elles, toutes ces choses, elles vont disparaître. قال فأين الذي جمعته من المال فهلا أبعدك من الأهوال. نعم, tout ce mal, il te serait au moins utile d'une chose, et il retarde à ce mujrim le châtiment que d'un jour. فقط. Sahibuhu, il se repose un jour. Abadan, la yamfa'u. فلماذا perdre notre temps دائما في هذا؟ لماذا notre objectif هذا؟ Si ça n'a aucune utilité, العاقل, il fait les choses qui lui sont utiles. قال رحمة الله عليك قال كلا بل تتركه إلى من لا يحمدك. صحيح, tu le laisseras à des gens. Robama, ces gens, ils ne sont pas d'accord avec toi. Robama, ils te détestent. Robama, Robama, et tu leur laisseras هذه الأموال, ils se le partageront entre eux. فالعاقل العاقل الموفق يعمل لما بعد الموت. فأين المفر؟ أين المفر؟ Est-ce que tu peux te sauver? Tu peux éviter ce jour? قال عز وجل أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أينما تكونوا يدرككم الموت. Où que vous soyez, vous serez touché par la mort. ولو كنتم في بروج مشيدة. ولو si t'arrives à te déplacer dans une étoile ou autre, tu quittes هذه الأرض. الموت ملك الموت يبيندغى. قال عز وجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء الأجل يغتاردون با. Tu peux pas retarder ni avancer. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة. فأوصي نفسي وإخواني بالتوبة إلى الله عز وجل. قال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Tu veux le falah, هذه الدار. Et le falah, après le mot, التوبة. فحذر من الشرك بالله عز وجل. Ça te fera beaucoup de mal. احذر من الربا, من الغيبة والنميمة, من البدع والخرافات, etc. احذر من هذه الأمور. واحذر كذلك من وساوس إبليس. أنك تا beaucoup de péché, beaucoup de ذنوب, tu ne peux plus faire marche arrière. احذر من هذا. الخبيث, il veut que tu meurs à la kufra et tu vas fin nar. والله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Désespère jamais de la miséricorde d'Allah tant que tu es vivant. بل توب إلى الله. Fais الصلاة, fais الحج, sors au zakat, comporte-toi bien, apprends ton din et tu seras à la khayr. لا تقنطوا من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله يpardonne tout tant que tu es vivant. حتى الكافر s'il fait التوبة, اليهودي النصراني s'il fait التوبة sincère, الله lui pardonne tout et ça devient مؤمن من إخواننا المسلمين. كذلك لا يفهم, لا يفهم من هذا الكلام, enfin تنبيه avant de finir, لا يفهم من هذا الكلام أن الإنسان لا يترك الدنيا بالكلية ولا يعمل ولا يتمتع بالحلال, أنه يبخفيط بعض الشوز حلال, أنه أبدا أبدا. المؤمن يدي شوز حلال اللي فا يدي شوز حرام اللي يبقى اللي فا. المؤمن إلى دي غيغل, إلى أمود دفي, إلى دي أمود دفي. وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. نعم, وقال عز وجل وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. نعم, l'essentiel c'est que cette dunya tu la mets au profit de ton din, pas l'inverse. Là, cette dunya c'est des choses éphémères, si c'est halal t'en profites tant que c'est halal et ça te distrait pas de l'akhira. T'oublies le mot wal'iyadu billah, plus de salat, plus de ilm, plus de... là, ça te fait du mal. Amma al-muslih al-mukhlis al-taqi, et il profite des choses halal, هذا يجوز له. هذا سينتبه مهم مهم. روي أن الحسن البصري رحمة الله عليه دخل على مريض يعوده فوجده في سكرات الموت. Il rapporte que الحسن البصري رحمة الله عليه il a visité un malade, فهذا الملاد il a été il a دخل في سكرات الموت, أي كان روحه ستخرج. قال فنظر إلى كربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للموت سكرات. قال والشدة ما نزل به فرجع إلى أهله بغير اللون الذي خرج به من عندهم. نعم إلى شانج الموقف كلا فيه. هذا الرجل سكرات الموت. حسن البصري إلى أسستي il est revenu chez lui avec un autre visage. Son visage, il a changé de couleur. فقالوا له, et chez lui, ils lui ont dit, الطعام. الطعام, il est موجود. Et viens manger. قال رحمة الله عليه, عليكم بطعامكم وشرابكم. قال عليكم بطعامكم وشرابكم فوالله لقد رأيت مصرعا لا أزال أعمل له حتى ألقاه. Et il a été touché par ce qu'il a vu. Et il a juré qu'il va faire des efforts hatta il rencontre Allah Azza wa Jal. La tafham min hadha annaka tu manges plus, tu bois plus. Abadan. Abadan. Huwa rahmatullah alayh, in sahhat al-qissa, il a été touché et il n'a pas mangé cette soirée faqat. Ça montre que haoula al-muslihin al-nasiha, et ce qu'ils voyaient, ils tiraient des leçons pour leur dîn. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يختم لنا بالحسنى وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، كما نسأله عز وجل أن يرحم أموات المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. حياكم الله. مع تحية دماج افاق.com. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.